temps encore, vais-je séduire alors? J'ai vu des bombes, des prunes, des rousses, des blondes. Elles dansent comme des sirènes, mieux que la nuit est belle quand je danse avec elle. Ella, ella, je tombe pour elle. Ella, ella, elles me font perdre la tête. Ella, ella, je tombe pour elle. Elles me font perdre la tête. Elles me font perdre la tête. Elles ont toutes la même envie, l'envie d'être séduites. Elles aiment sortir de l'ombre. Quand elles tombent en l'ivresse, elles aiment qu'on les caresse. Et nous on regarde leurs fesses. Ella, ella, je tombe pour elle. Ella, ella, elles me font perdre la tête. Ella, ella, je tombe pour elle. Perdre la tête. Elles me font perdre la tête. Elles me font perdre la tête. Qu'on se le dise, toutes les filles apparaissent comme des friandises. La gourmandise est un péché, mais on ne peut s'en empêcher. Car si Dieu a créé la femme, c'est pour que l'amour s'enflamme. Dans nos soirées, on peut s'aimer, on peut s'embrasser, s'enlacer. Ella, ella, je tombe pour elle. Ella, ella, elles me font perdre la tête. Ella, ella, je tombe pour elle. Ella, ella, elles me font perdre la tête. Ella, ella, je tombe pour elle. Ella, ella, elles me font perdre la tête. Elles me font perdre la tête. Elles me font perdre la tête.